Deuxième journée, chapitre 3. Comme Pierre s'éloignait, dans son malaise, envahi d'une invincible répugnance à rester là davantage, il aperçut M. de Guersin, agenouillé près de la grotte, l'air absorbé, priant de toute sa foi. Il ne l'avait pas revu depuis le matin, il ignorait s'il était parvenu à louer deux chambres, et son premier mouvement fut de le rejoindre. Puis, il hésita, ne voulut point troubler son recueillement, pensant qu'il priait sans doute pour sa fille, qu'il adorait, malgré ses continuelles distractions de cervelle inquiète. Et il passa, il s'enfonça sous les arbres. 9 heures sonnaient, il avait 2 heures devant lui. Là, de la berge sauvage où paissaient autrefois les pourceaux, on avait fait, à coups d'argent, une avenue superbe longeant le gave. Il avait fallu en reculer le lit pour gagner du terrain et établir un quai monumental que bordait un large trottoir défendu par un parapet. L'avenue allait buter contre un coteau à 200 ou 300 mètres. Et c'était ainsi comme une promenade fermée, garnie de bancs, ombragée d'arbres magnifiques. Personne n'y passait. Le trop-plein de la foule y débordait seul. Il s'y trouvait encore des coins de solitude, entre le mur gazonné qui l'isolait au midi et les vastes champs qui se déroulaient au nord, de l'autre côté du gave, des pentes boisées, égayées par les façades blanches des couvents. Pendant les brûlantes journées d'août, on goûtait là une fraîcheur délicieuse, sous les ombrages, au bord des eaux courantes. Et Pierre, tout de suite, se sentit reposé, comme au sortir d'un rêve pénible. Il s'interrogeait, s'inquiétait de ses sensations. Le matin, n'était-il donc pas arrivé à Lourdes avec le désir de croire, l'idée que déjà il recommençait à croire, ainsi qu'aux années dociles de son enfance, lorsque sa mère lui faisait joindre les mains en lui apprenant à craindre Dieu? Et, dès qu'il s'était trouvé devant la grotte, voilà que l'idolâtrie du culte, la violence de la foi, l'assaut contre la raison venaient de l'incommoder jusqu'à la défaillance. Qu'allait-il donc devenir? Ne pourrait-il même tenter de combattre son doute en utilisant son voyage de façon à voir et à se convaincre? C'était un début décourageant dont il restait troublé. Et il fallait ces beaux arbres, ce torrent si limpide, cette avenue si calme et si fraîche, pour le remettre de la secousse. Puis, comme Pierre atteignait le bout de l'allée, il fit une rencontre imprévue. Depuis quelques secondes, il regardait un grand vieillard qui venait à lui, boutonné étroitement dans une redingote, coiffé d'un chapeau à bord plat. Et il cherchait à se rappeler ce visage pâle, au nez d'aigle, aux yeux très noirs et pénétrants. Mais la longue barbe blanche, les boucles blanches des longs cheveux le déroutaient. Le vieillard s'arrêta, l'air étonné, lui aussi. « Comment, Pierre, c'est vous, à Lourdes ?» Et brusquement, le jeune prêtre reconnut le docteur Chassaigne, l'ami de son père, son vieil ami à lui-même, qu'il avait guéri, puis réconforté dans sa terrible crise physique et morale au lendemain de la mort de sa mère. « Ah, mon bon docteur, que je suis content de vous voir !» Tous deux s'embrassèrent avec une grande émotion. Maintenant, devant cette neige des cheveux et de la barbe, devant cette marche lente, cet air infiniment triste, Pierre se rappelait l'acharnement du malheur qui avait vieilli cet homme. Quelques années à peine s'étaient écoulées, et il le retrouvait foudroyé par le destin. « Vous ne saviez point que j'étais resté à Lourdes, n'est-ce pas ? C'est vrai, je n'écris plus, je ne suis plus avec les vivants, car j'habite au pays des morts. » Des larmes parurent dans ses yeux, et il reprit la voix brisée. « Tenez, venez vous asseoir sur ce banc. Ça me fera tant plaisir de revivre un instant avec vous, comme autrefois. » À son tour, le prêtre sentit un sanglot le suffoquer. Il ne trouvait rien. Il ne put que murmurer « Ah, mon bon docteur, mon vieil ami, je vous ai plaint de tout mon cœur, de toute mon âme. » C'était le désastre, le naufrage d'une vie. Le docteur Chassaigne et sa fille Marguerite, une grande, une adorable fille de 20 ans, étaient venus installer à Cauterets Madame Chassaigne, l'épouse, la mère d'élection, dont la santé leur donnait des inquiétudes. Et, au bout de 15 jours, elle allait beaucoup mieux, elle projetait des excursions. Lorsque, brutalement, un matin, on l'avait trouvée morte dans son lit. Atterrés sous le coup terrible, le père et la fille restèrent comme étourdis par la trahison du sort. Le docteur, originaire de Bartrès, avait dans le cimetière de Lourdes une sépulture de famille, un tombeau qu'il s'était plu à faire construire et où reposaient déjà ses parents. Aussi voulut-il que le corps de sa femme y vînt dormir, à côté de la case vide où il comptait bientôt la rejoindre. Et il s'attardait là, depuis une semaine, avec Marguerite, quand celle-ci, prise d'un grand frisson, s'alita un soir et mourut le surlendemain, sans que son père, égaré, pût se rendre un compte exact de la maladie. Ce fut la fille, florissante de jeunesse, rayonnante de beauté et de santé, que l'on coucha au cimetière, dans la case vide près de la mer. L'homme, heureux de la veille, l'homme aidé, adoré, qui avait à lui deux chères créatures, dont la tendresse lui tenait chaud au cœur, n'était plus qu'un vieil homme misérable, bégayant et perdu, que la solitude glaçait. Toute la joie de sa vie avait croulé. Il enviait les cantonniers qui cassaient les pierres sur les routes quand il voyait des femmes et des gamines leur apporter la soupe, pieds nus. Et il s'était refusé à quitter Lourdes. Il avait tout abandonné, ses travaux, sa clientèle de Paris, pour vivre là, près de cette tombe où sa femme et sa fille dormaient leur dernier sommeil. « Ah, mon vieil ami !» répéta Pierre. « Comme je vous ai plaint, quelle affreuse douleur! Mais pourquoi n'avoir pas compté un peu sur ceux qui vous aiment? Pourquoi vous êtes enfermé ici dans votre chagrin ?» Le docteur eut un geste qui embrassait l'horizon. « Je ne puis m'en aller. Elles sont là. Elles me gardent. C'est fini. J'attends de les rejoindre. » Et le silence retomba. Derrière eux, dans les arbrisseaux du talus, des oiseaux voletaient, tandis qu'ils entendaient, en face, le grand murmure du gave. Au flanc des coteaux, le soleil s'alourdissait en une lente poussière d'or. Mais sous les beaux arbres, sur ce banc écarté, la fraîcheur restait délicieuse, et ils étaient comme au désert, à 200 pas de la foule, sans que personne s'arrachât de la grotte pour s'égarer jusqu'à eux. Longtemps ils causèrent. Pierre lui avait conté dans quelles circonstances il était arrivé le matin à Lourdes, avec le pèlerinage national, en compagnie de monsieur de Guersin et de sa fille. Puis, à certaines phrases, il eut un sursaut d'étonnement. « Quoi, docteur, vous croyez maintenant le miracle possible ? Vous, grand Dieu ? Vous, que j'ai connu incrédule, ou tout au moins d'une complète indifférence ?» Il le regardait, stupéfait de ce qu'il lui entendait dire de la grotte et de Bernadette. Lui, une tête si solide, un savant d'une intelligence si exacte, dont il avait tant admiré autrefois les puissantes facultés d'analyse. Comment un esprit de cette nature, élevé et clair, dégagé de toute foi, nourri dans la méthode et l'expérience, en était-il arrivé à admettre les guérisons miraculeuses, opérées par cette divine fontaine que la Sainte Vierge avait fait jaillir sous les doigts d'une enfant? « Mais, mon bon docteur, rappelez-vous donc, C'est vous-même qui aviez fourni des notes à mon père sur Bernadette, votre petite payse, ainsi que vous la nommiez. Et c'est vous, plus tard, lorsque toute cette histoire m'a passionnée un instant, qui m'avez parlé longuement d'elle. Pour vous, elle n'était qu'une malade, une hallucinée, une enfantine à demi inconsciente, incapable de vouloir... Souvenez-vous de nos causeries, de mes doutes, de la saine raison que vous m'avez aidé à reconquérir. » Et il s'émotionnait, car n'était-ce pas la plus étrange des aventures? Lui, prêtre, autrefois résigné à la croyance, ayant achevé de perdre la foi, au contact de ce médecin, alors incroyant, qu'il retrouvait maintenant converti, gagné au surnaturel, lorsque lui-même agonisait du tourment de ne plus croire. Vous qui n'acceptiez que les faits exacts, qui basiez tout sur l'observation, renoncez-vous donc à la science? Alors Chassaigne, paisible et tristement souriant jusque-là, eut un geste de violence et de souverain mépris. La science! Est-ce que je sais quelque chose? Est-ce que je peux quelque chose? Vous me demandiez tout à l'heure de quoi ma pauvre Marguerite était morte. Mais je n'en sais rien! Moi qu'on imagine si savant, si armé contre la mort, je n'y ai rien compris! Je n'ai rien pu, pas même prolonger d'une heure la vie de ma fille. Et ma femme, que j'ai trouvée froide dans son lit, lorsqu'elle s'était couchée la veille, mieux portante et si gaie, est-ce que j'ai été capable seulement de prévoir ce qu'il aurait fallu faire? Non, non, pour moi la science a fait faillite. Je ne veux plus rien savoir, je ne suis qu'une bête et qu'un pauvre homme. Il disait cela dans une révolte furieuse contre tout son passé d'orgueil et de bonheur. Puis, lorsqu'il se fut apaisé, « Tenez, je n'ai plus qu'un remords affreux. Oui, il me hante, il me pousse sans cesse par ici, à rôder au milieu de ces gens qui prient. C'est de n'être pas venu d'abord m'humilier devant cette grotte, en y amenant mes deux chères créatures. Elle se serait agenouillée comme toutes ces femmes que vous voyez. Je me serais simplement agenouillée avec elle, et la Sainte Vierge me les aurait peut-être guéries et conservées. Moi, imbécile, je n'ai su que les perdre. C'est ma faute. » Des larmes, maintenant, ruisselaient de ses yeux. Dans mon enfance à Bartrès, je me souviens que ma mère, une paysanne, me faisait joindre les mains pour demander chaque matin le secours de Dieu. Cette prière m'est nettement revenue à la mémoire lorsque je me suis retrouvée seule, aussi faible et perdue qu'un enfant. Que voulez-vous, mon ami? Mes mains se sont jointes, comme autrefois. J'étais trop misérable, trop abandonnée. Je sentais trop vivement le besoin d'un secours surhumain, d'une puissance divine qui pensa, qui voulut pour moi, qui me berça et m'emporta dans sa prescience éternelle. Ah, les premiers jours, quelle confusion, quel égarement au fond de ma triste tête, sous l'effroyable coup de massue qu'elle venait de recevoir. J'ai passé 20 nuits sans dormir, espérant que j'allais devenir fou. Toutes sortes d'idées se battaient. J'avais des révoltes pendant lesquelles je montrais le poing au ciel. Je tombais ensuite à des humilités, suppliant Dieu de me prendre à mon tour. Et c'est enfin une certitude de justice, une certitude d'amour qui m'a calmée en me rendant la foi. Voyons, vous avez connu ma fille, si grande, si belle, si éclatante de vie. Ne serait-ce pas la plus monstrueuse injustice si, pour elle qui n'a pas vécu, il n'y avait rien au-delà du tombeau? Elle doit revivre, j'en ai l'absolue conviction, car je l'entends encore parfois. Elle me dit que nous nous retrouverons, que nous nous reverrons. Oh, les êtres chers qu'on a perdus, ma chère fille, ma chère femme, les revoir, revivre ailleurs avec elle. L'unique espérance est là, l'unique consolation à toutes les douleurs de ce monde. Je me suis donnée à Dieu, puisque Dieu seul peut me les rendre. » Un petit grelottement de vieillard débile l'agitait, et Pierre comprenait enfin, rétablissait ce cas de conversion. Le savant, l'intellectuel vieilli, qui retournait à la croyance, sous l'empire du sentiment. D'abord, ce qu'il n'avait pas soupçonné jusque-là, il découvrait une sorte d'atavisme de la foi, chez ce Pyrénéen, ce fils de paysan montagnard, élevé dans la légende, et que la légende reprenait, même lorsque 50 années d'études positives avaient passé sur elle. Puis, c'était la lassitude humaine, l'homme auquel la science n'a pas donné le bonheur, et qui se révolte contre la science, le jour où elle lui paraît bornée, impuissante à empêcher ses larmes. Et enfin, il y avait encore là du découragement, un doute de toute chose qui aboutissait à un besoin de certitude chez le vieil homme, attendri par l'âge, heureux de s'endormir dans la crédulité. Pierre ne protestait pas, ne raillait pas, car ce grand vieillard foudroyé, avec sa sénilité douloureuse, lui déchirait le cœur. Sous de tels coups, n'est-ce pas une pitié que de voir les plus forts, les plus clairs, redevenir enfants ? Ah ! Soupira-t-il très bas. Si je souffrais assez pour faire taire aussi ma raison et m'agenouiller là-bas et croire à toutes ces belles histoires ! Le pâle sourire, qui parfois encore passait sur les lèvres du docteur Chassaigne, reparut. Les miracles, n'est-ce pas ? Vous êtes prêtre, mon enfant, et je sais votre malheur. Les miracles vous paraissent impossibles. Qu'en savez-vous ? Dites-vous donc que vous ne savez rien, et que l'impossible, selon nos sens, se réalise à chaque minute. Et tenez, nous avons causé longtemps, 11 heures vont sonner, et il faut que vous retourniez à la grotte. Mais je vous attends à 3h30, je vous mènerai au bureau médical des constatations, où j'espère vous montrer des choses qui vous surprendront. N'oubliez pas, à 3h30. Il le renvoya. Il resta seul sur le banc. La chaleur s'était encore accrue. Les coteaux au loin brûlaient dans l'éclat de fournaise du soleil. Et il s'oubliait, rêvant sous le petit jour verdâtre des ombrages, écoutant le murmure continu du gave, comme si une voix de l'au-delà, une voix chère, lui avait parlé. Tout de suite, Pierre se hâta de rejoindre Marie. Il put le faire sans trop de peine. La foule s'éclaircissait. Beaucoup de monde déjà allait déjeuner. Près de la jeune fille, tranquillement assis, il aperçut le père, monsieur de Guersin, qui voulut immédiatement s'expliquer sur sa longue absence. Pendant plus de 2 heures, le matin, il avait battu lourde dans tous les sens, frappé à la porte de 20 hôtels sans pouvoir trouver la moindre soupente ou coucher. Les chambres de bonne elles-mêmes étaient louées. On n'aurait pas découvert un matelas pour s'étendre dans un corridor. Puis, comme il se désespérait, il était tombé sur 2 chambres, étroites à la vérité, mais dans un bon hôtel, l'hôtel des apparitions, un des mieux fréquentés de la ville. Les personnes qui les avaient retenues venaient de télégraphier que leur malade était mort. Enfin, une chance inouïe dont il semblait tout égayé. 11 heures sonnaient. Le lamentable cortège se remit en marche, par les places, par les rues ensoleillées. Et quand elle fut à l'hôpital de Notre-Dame des Douleurs, Marie supplia son père et le jeune prêtre d'aller déjeuner tranquillement à l'hôtel, puis de se reposer un peu, avant de revenir la prendre vers 2 heures, au moment où l'on devait reconduire les malades à la grotte. Mais, à l'hôtel des apparitions, après le déjeuner, les 2 hommes étant montés dans leur chambre, monsieur de Guersin, brisé de fatigue, s'endormit d'un si profond sommeil que Pierre n'eut pas le cœur de le réveiller. À quoi bon ? Sa présence n'était point indispensable. Et il retourna seul à l'hôpital. Le cortège redescendit l'avenue de la grotte, fila le long du plateau de la Merlasse, traversa la place du Rosaire, au milieu de la foule sans cesse accrue, qui frémissait et se signait dans la joie de l'admirable journée d'août. C'était l'heure glorieuse d'un beau jour. De nouveau installée devant la grotte, Marie demanda « Mon père va nous rejoindre ?»« Oui, il se repose un instant. » Elle eut un geste, disant qu'il avait bien raison, et, d'une voix pleine de trouble, « Écoutez, Pierre, ne venez me chercher que dans une heure pour me conduire aux piscines. Je ne suis pas assez en état de grâce. Je veux prier, prier encore. » Après avoir désiré si ardemment être là, une terreur l'agitait. Des scrupules la rendaient hésitante au moment de tenter le miracle. Et, comme elle racontait qu'elle n'avait pu rien manger, une jeune fille s'approcha. « Ma chère demoiselle, si vous vous sentiez trop faible, vous savez que nous avons ici du bouillon. » Elle reconnut Raymonde. Des jeunes filles étaient ainsi employées à la grotte pour distribuer des tasses de bouillon et de lait aux malades. Même certaines, les années précédentes, s'étaient livrées à une telle coquetterie de fins tabliers de soie garnis de dentelles qu'on leur avait imposé un tablier d'uniforme, une modeste toile à carreaux blancs et bleus. Et Raymonde, malgré tout, avait réussi à se faire charmante dans cette simplicité, avec sa jeunesse et son air empressé de bonne petite ménagère. « N'est-ce pas ? » répéta-t-elle. « Faites-moi un signe et je vous servirai. » Marie remercia, dit qu'elle ne prendrait sûrement rien, puis se retournant vers le prêtre. « une heure encore, mon ami. » Alors, Pierre voulut rester près d'elle. Mais toute la place devait être réservée aux malades. On ne tolérait pas la présence des brancardiers. Entraîné par le flot mouvant de la foule, il se trouva porté vers les piscines. Il tomba sur un spectacle extraordinaire qui le retint. Devant les trois édicules, où étaient les baignoires, trois par trois, six pour les femmes et trois pour les hommes, il y avait un long espace sous les arbres qu'une grosse corde, nouée au tronc, fermait et laissait libre. Des malades, dans de petites voitures ou sur des brancards, y attendaient leur tour à la file, tandis que, de l'autre côté de la corde, se pressait une cohue immense, exaltée. À ce moment, un capucin, debout au milieu de l'espace libre, dirigeait les prières. Des aves se succédaient, que la foule balbutiait d'un grand murmure confus. Puis, tout d'un coup, comme Madame Vincent, qui depuis longtemps attendait, pâle d'angoisse, entrait enfin avec son cher fardeau, sa fillette, pareille à un Jésus de cire, le capucin se laissa tomber sur les genoux, les bras en croix, criant « Seigneur, guérissez nos malades !» Et il répéta ce cri 10 fois, 20 fois, avec une furie croissante. Et la foule le répéta chaque fois, s'exaltant davantage à chaque cri, sanglotant, baisant la terre. Ce fut un vent de délire qui passa, abattant tous les fronts. Pierre demeura bouleversé par le sanglot de souffrance qui montait des entrailles de ce peuple. Une prière d'abord, de plus en plus haute, où éclatait bientôt une exigence, une voix d'impatience et de colère, assourdissante et acharnée, pour faire violence au ciel. « Seigneur, guérissez nos malades ! Seigneur, guérissez nos malades !» Et le cri ne cessait pas. Mais il y eut un incident. La grivotte pleurait à chaudes larmes parce qu'on ne voulait pas la baigner. « Ils disent comme ça que je suis phtisique et qu'ils ne peuvent pas tremper les phtisiques dans l'eau froide. Ce matin encore, ils en ont trempé une. Je l'ai vue. Alors, pourquoi pas moi ? Je me tue à leur jurer depuis une demi-heure qu'ils font de la peine à la Sainte Vierge. Je vais être guérie, je le sens, je vais être guérie. » Comme elle commençait à faire scandale, un des aumôniers des piscines s'approcha, tâcha de la calmer. On verrait tout à l'heure, on allait demander l'avis des révérends pères. Si elle était bien sage, on la baignerait peut-être. Le cri continuait. « Seigneur, guérissez nos malades ! Seigneur, guérissez nos malades !» Et Pierre, qui venait d'apercevoir Madame Vêtue, attendant elle aussi devant les piscines, ne pouvait détourner les yeux de cette face torturée d'espoir, les yeux fixés sur la porte d'où les bienheureuses, les élus, sortaient guéris. Ce fut au milieu d'un redoublement de prières, d'une frénésie de supplications, que Madame Vincent reparut avec sa fillette sur les bras, sa misérable et adorée fillette qu'on avait plongée évanouie dans l'eau froide et dont la pauvre petite figure, mal essuyée encore, restait aussi pâle, les yeux fermés, plus douloureuse et plus morte. La mère, crucifiée par cette longue agonie, désespérée du refus de la Sainte Vierge, insensible au mal de son enfant, sanglotait. Et de nouveau, lorsque Madame Vêtue entra à son tour avec un emportement de mourante qui va boire la vie, le cri obsédant éclata, sans découragement ni lassitude. « Seigneur, guérissez nos malades ! Seigneur, guérissez nos malades !» Le capucin s'était abattu, la face contre le sol, et la foule, les bras en croix, hurlante, mangeait la terre de baisers.